Bonjour, c'est Alex. Vous êtes sur Antenne 87. Je vous propose de passer 45 minutes en ma compagnie et en celle de mon invité. Une personnalité locale, connue, très connue ou un peu moins connue, qui va nous partager ses souvenirs, nous dévoiler ses émotions, au gré de ses confidences musicales. Bonjour à toutes et tous, je suis tellement heureuse de vous retrouver malgré ce petit décalage. Et oui, nous sommes présents, j'ai mon invité en face de moi et donc bienvenue à lui, bienvenue à vous sur ces nouvelles confidences musicales d'Antenne 87. Alors la vie est surprenante, j'avais prévu de commencer ma présentation en disant qu'avec mon invité, nous allions avoir une petite leçon de vie et de détermination. Eh bien, voyez, c'est exactement ce qu'on a eu. Petite leçon de vie, la technique qui nous lâche. On est très peu de choses quand il n'y a plus la technique. Et détermination, je fais évidemment un grand coup de chapeau à notre président qui est arrivé et qui a démêlé tous les fils, tous les boutons pour comprendre ce qui se passait. Mais on est là tous ensemble et on va passer une heure formidable avec un gars formidable qui nous a préparé une superbe playlist. Alors oui, avec mon invité ce matin, nous allons avoir une certaine leçon de vie et de détermination. Jeune adulte, il se découvre une passion, la photographie. Il se forme complètement seul. Et puis, alors que sa carrière était tout engagée, toute tracée, il décide de tout lâcher pour vivre de ce que l'on pourrait quand même appeler une vocation. Son appareil photo devient alors une passerelle entre lui et les autres. Il leur porte un regard doux et bienveillant pour mieux les réveiller, les révéler à leur entourage et à eux-mêmes. Sébastien Chauchot. Bonjour. Bonjour Alex. Merci de vous prêter. Alors on va dire de te prêter parce que comme ça fait une heure qu'on attend ensemble, on a fini par... par ce lien d'amitié, oui, on a fait, par on faire a fait connaissance. Bon, trêve de plaisanterie, on est content, on est là, on a une belle heure devant nous pour faire dérouler un peu ta passion. Oui. Parce que tu viens pour nous parler de quoi, Sébastien ? Alors déjà, merci beaucoup pour l'invitation et cette magnifique intro, j'en attendais pas tant. Oh ouais, je t'en prie. Les désirs de mes invités sont des ordres. Hein. Et donc on va parler un peu de photos, si j'ai bien compris. Je crois qu'on va parler photos, mais tu sais, j'ai déjà eu des photographes, alors là, toi, tu te distingues parce que tu es photographe de studio, on dit comme ça? Ben, je suis photographe artisan, photographe de métier, donc ça me prend tout mon temps, toutes mes semaines, et je vis de la photo depuis que j'ai démissionné de l'éducation nationale en 2017, donc je suis artisan et je suis principalement portraitiste. Et je fais du reportage également pour. Je fais du travail pour les particuliers, pour les entreprises. Ok, on va dérouler tout ça. Moi, j'aimerais quand même bien que l'on revienne sur effectivement ce premier morceau que tu m'as fait découvrir. Je vais être honnête, j'ai même un peu du mal à prononcer. Ça vient d'où? Ça s'appelle comment? Linnert Skinner, c'est un. Ça doit venir du nord, ça, non? Ouais, ça vient du sud des États-Unis, un vieux groupe de rock sudiste. Ok, tu vois, moi j'étais partie sur la Finlande, l'Islande. Un nom bizarre, mais avec l'accent du sud là-bas des États-Unis, c'était Linnert Skinner, c'était le surveillant, je crois, de leur lycée ou de leur internat, un truc comme ça. Et pour se moquer de lui, ils avaient baptisé leur groupe comme ça. Et c'était Léonard. Bien leur en a pris. Bien leur en a pris, ils ont écrit pas mal de morceaux. Tu dois en connaître un, c'est Sweet Home Alabama. Bien sûr, absolument. Voilà. Bah, tu vois, on savait pas. Voilà. Et donc celui-ci, pourquoi Simple Mind? Pourquoi ce Simple Man, hein, j'ai Man, bien ouais, dit, hein, ma langue est un peu fourchée. Bah parce que dedans, il dit simplement que c'est une maman qui parle à son fils, ou un père qui parle à son fils d'ailleurs, je sais pas trop, mais qui lui recommande d'être dans la vie très simple. Je pense que c'est important de... Planter dans ses bottes. Ouais, c'est ça, puis de faire des choses simples et de trouver, d'être heureux avec ce qu'on a sous la main, de ne pas chercher la fortune, de ne pas chercher à faire tout ce qu'on nous montre au niveau des influenceurs, même si dans les années 70, quand c'est sorti, ça n'existait pas, mais la vie peut être très belle avec des choses très simples. Oui, voilà. Chercher ce qui nous remplit le cœur, en fait. Ouais, c'est ça. On enchaîne tout de suite avec un deuxième morceau, et puis ensuite, tu nous raconteras un peu comment est née cette passion de la photographie. Listening to the wind of change. Alors moi, je sens qu'on va quand même avoir une playlist qui sent les grands espaces, la liberté. Peut-être bien. Non, je te surprends en disant ça. Ouais, c'est pas trop. Voilà, on a quand même deux morceaux qui sont pleins d'amplitude. Effectivement, ça sent l'Amérique. Hein. Ah oui, oui, ça, question de ça, enfin, Scorpion, c'est plutôt allemand d'ailleurs, mais le son, ce que j'écoute en général, c'est plutôt du rock américain. Mais anglais, ça sent, voilà, ça sent les grandes plaines. Hein. Un peu comme chez nous, les grandes plaines de Champagne. Ah ben, on est dedans, oui. Ouais, tiens, clair. D'ailleurs, ça me permet d'enchaîner. Il faut quand même qu'on reprécise. Donc, tu as une boutique, un studio, oui. Qui est sur nos plaines de Champagne. Qui est où exactement? On ne fait studio, pas trop de pub, mais on non, dit quand voilà, même. Mon tu viens. Studio se trouve à Vitry de François, une demi-heure d'ici, une demi-heure de route. Et je devais venir ce matin l'esprit tranquille, puisque Marion, ma petite collaboratrice, s'occupe du studio, du service. S'occupe de la boutique, on lui fait un petit coucou. On lui fait un petit coucou parce qu'elle a la grippe, elle est dans son canapé. Du coup, elle est au fond de son lit et ouais. J'espère qu'elle nous écoute. Le studio est fermé. Et voilà, merci à toi de ce temps que tu nous octroies. On va essayer de très bien te le rendre. Alors, effectivement, Sébastien, photographe un peu sur le tard, hein, c'est une passion que tu as découverte adulte. Est-ce que tu te souviens quand même de tes premières relations avec la photo, de tes premiers émois? Oui, je pense que c'est un stage de photo argentique ou un cours de photo, je ne sais plus, qu'on avait des activités un petit peu extra en dehors des cours au collège. J'ai connu ça aussi, moi. Et on a découvert le labo argentique à l'époque, ça sentait le vinaigre et il faisait noir, il y avait une lumière rouge. Mmh. Et à 12 ans, quand on voit apparaître l'image dans le fixateur, là, le révélateur fixateur, on se dit mais waouh, c'est quand même magique et on peut faire de la photo de A à Z soi-même. Parce qu'à l'époque, c'était loin d'être simple, il fallait aller chez le photographe. Et là, en fait, on se disait, mais en fait, je peux... Prise de vue, développement. Ouais, on va jusqu'au bout du procédé soi-même, et ça, c'était magnifique. Après, c'est tombé un peu dans l'oubli, parce que je suis passé à autre chose, et voilà, j'ai fait un peu de photos, comme tout le monde, avec un petit appareil en plastique rouge. Et... Qu'on ne nommera pas. Non, je ne me rappelle plus la marque, mais... Ça tombe bien, nous ne citons aucune marque ici. Très bien. Donc, un petit rapport à la photo, comme ça, tranquillou. Ouais, comme ça. Mais bien marqué quand même. Enfin, j'aimais... Ça t'était resté. Ouais, c'est ça. Et puis plus tard, bien plus tard, donc on s'est marié avec ma femme en 2000. Mon beau-père est décédé quelques mois après et j'ai récupéré un appareil photo qu'il avait dans ses affaires, un réflexe. Et j'ai voulu apprendre à m'en servir. Et je suis allé voir un peu les gens qui savaient autour de moi. Et le photographe en ville, bizarrement, m'a dit non, je ne sais pas utiliser ça. J'ai dit bon, tant pis, j'ai demandé à d'autres gens, des collègues à l'époque, puisque... j'ai un collègue qui était un peu spécialisé là-dedans et il m'a montré comment développer mes films, comment installer un labo. J'ai fait ça chez moi et j'ai passé beaucoup de soirées dans mon labo au lieu de regarder la télé. Ah, c'est important ça. Hein, ouais. C'est important de rappeler que dans le temps, il n'y avait pas les tutos sur Internet. On était obligé d'aller trouver des personnes ressources. Ouais, de bouche de druide à oreille de druide. Oui, c'est ça. Et puis, comme je disais dans mon intro, il faut mettre un peu de détermination. Hein, c'est-à-dire que ça ne nous tombe pas dessus. Ouais. Il faut travailler, il faut faire des choix. C'est vrai qu'il y a des soirs où je me disais, faut que je vais au labo, j'ai envie d'avoir mes photos, mais je sais que je vais passer 2 heures pour sortir 2 images ou 3 ou 4 et en balancer à la poubelle. Mais tu as senti quand même à ce moment-là que c'était vraiment important. Je ne sentais pas que c'était important, j'avais envie de le faire. Tout simplement. J'avais envie et du coup j'y allais et dès que j'avais une matinée, des fois je passais la matinée dans le labo, dans le noir, c'était quand même, fallait être sacrément mordu. Je m'en rends compte aujourd'hui parce que je le fais plus, j'ai plus le temps. Et si je devais le faire, j'aurais du mal parce que j'ai plus. Parce qu'on ne sait plus trouver du temps pour ouais, ça. C'est ça. C'est vrai que c'est quand même très prenant le développement. Hein. Ah oui. Ouais. Et c'est marrant parce que pour l'instant, tu parles de développement plus que de prise de vue. Le plaisir de la prise de vue, c'est arrivé après. Le plaisir de la prise de vue, il était assez évident. En fait, ça me plaisait de prendre des photos, mais le vrai travail, finalement, en noir et blanc argentique à l'époque, ça se faisait dans le labo. C'était ça la difficulté des choses, en fait. C'était... En fait, ton plaisir, c'était le travail de la photo. Ouais. Non, mais je dis ça parce qu'il peut y avoir aussi le plaisir de la prise de vue, d'aller voler des images, ouais. etc. Ça, c'est évidemment, tu l'as bien sûr, mais on sent que toi, au début, c'est vraiment quelque chose de particulièrement esthétique. Ouais. Hein, un amour du noir et blanc et obtenir ce noir et blanc. Ouais, c'est ça. Et le développement, il a le... tout le travail de labo, finalement, c'était un obstacle, en fait, au début. C'est ça qui m'a posé beaucoup de problèmes. Parce que la prise de vue, ça se faisait assez bien. On progresse sans s'en rendre compte. On avance, on cadre, voilà, c'est sympa. C'est venu facilement, ça, parce que, évidemment, c'est moi, les appareils réflexes. Dans le temps, il fallait quand même choisir. Mais c'était plus simple, en fait. Les focales. Ouais. C'était beaucoup plus simple qu'aujourd'hui. Il y a trois réglages sur un appareil réflexe : l'ouverture, la vitesse, la sensibilité. Mais pourtant, il y a tellement de photos ratées. Eh oui, mais. C'était vachement simple, on simplifiait. Une fois qu'on maîtrisait la technique qui était simple, on se concentrait sur l'image, le cadrage et ce qu'on racontait. Aujourd'hui, les gens sont perdus parce qu'il y a trop d'autres boutons, trop de réglages. Trop d'options, il y a largement trop de choses à faire. Donc voilà. Mais le vrai obstacle, c'était le labo. Et pour finaliser l'image, il y avait un vrai travail de masquage sur l'image, éclairer plus le ciel, retenir un peu sur certaines zones pour qu'elles soient plus claires, etc. Et là, c'était l'interprétation et la finalisation de ce que j'avais en tête au départ. Je voulais faire une photo de ceci, cela, et bien c'était au labo que ça se concrétisait. Et à la fin, au bout de 2 heures, si je sortais 1, 2, 3 belles photos d'une pellicule de 36, j'étais super content parce que j'avais tout fait moi-même à la main. Puis c'était quand même l'époque où, dans les années 2000, on commençait à travailler beaucoup en ordinateur et on faisait tout à la main au labo. Et malgré tout, quand on t'entend, on sent l'artisan. Hein. On sent qu'effectivement, c'est un travail qui prend du temps, qui demande de la concentration, de la technique aussi, parce que je reviens un petit peu pour les gens qui sont peu à l'aise avec ça. Tu as parlé donc de ce travail de masquage, c'est ça? On dit comme ça? Oui, c'est ça. On masque certaines choses. On va appuyer sur certains contrastes, etc. C'est vraiment du travail d'orfèvre de développer une photo. Ouais, c'est ça. Il y a le côté aussi choix du papier. Est-ce que je prends un brillant, un satiné, un mat, un papier barité, un papier épais cartonné ou un papier un peu plastifié? Est-ce que il y a tout ça qui compte? Et puis il y a tout ce process de développement, rinçage. Alors on va avancer un petit peu le temps, peut-être un peu alerte spoiler, mais la question qui tue, c'est à l'heure d'aujourd'hui, tu ne fais plus de développement argentique? Non. Non. Ça, c'est fini. C'est fini parce que possible, j'ai plus le temps, d'une part. En fait, c'est trop facile en numérique par rapport à tout ça. Bien sûr. Le numérique, c'est beaucoup plus facile une fois qu'on maîtrise les outils. C'est surtout très rapide et comme c'est mon métier, je suis obligé d'aller vite et rentable, en fait. Donc, et malgré tout, il y a quand même des gens qui ont cette nostalgie et qui disent « Tiens, j'aimerais bien retourner à l'argentique » ou finalement, c'est plus un sujet parce qu'avec le numérique, on peut avoir tellement de rendus différents. Il y a un vrai retour à l'argentique, mais plus dans les grosses villes. Chez nous, à Vitry, je le constate pas, mais dans les grosses villes, c'est un peu à la mode de faire de l'argentique, et notamment ce qui est étonnant, c'est chez les jeunes qui ont 20 ans, qui sont nés avec le numérique, ils adorent, ils aiment ce côté. Je prends une photo, je vois pas ce qu'il y a sur l'écran, il n'y a pas mystère. D'écran. Et je découvre ma photo une semaine, 15 jours, 3 semaines après, parce qu'il faut faire développer tout ça. Alors ils trouvent ça magique en fait aussi. Alors qu'ils sont habitués. C'est marrant, d'un seul coup, on trouve une vertu à quelque chose qui nous faisait tellement stresser. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais je fais un parallèle entre ce petit retour à l'argentique comme certains ont le retour au vinyle. Oui. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu pareil, c'est finalement. Ça. Il y a aussi en argentique le plaisir de la prise de vue avec un objet. Là, j'ai amené un Rolleiflex tout à l'heure. Le plaisir du bel objet. Le bel objet, le bel appareil photo. Utiliser un bel objet pour faire son image, il faut le maîtriser, il faut se l'approprier. Je compare souvent ça à aller faire une balade sur une moto, une vieille moto de collection par rapport à une Yamaha toute neuve. Et puis il y a ce côté incertain. Moi je me souviens quand on faisait des photos, on y mettait tout notre cœur et on se disait pourvu qu'elle soit réussie. Ouais. Et dans une série, une péloche, quand on avait 3 photos réussies, on était super content parce qu'il y a cette, entre guillemets, cette petite prise de risque qu'on ne connaît plus sur le numérique. Il y avait une réflexion préalable. On ne pouvait pas trop se louper sur mon Rolleiflex. Là je fais 12 photos. Bien sûr. Sur 12 photos aussi. On ne prend pas à la volée. Non, on réfléchit avant. On se demande pourquoi je veux prendre cette photo, qu'est-ce qui m'intéresse, comment je la cadre, je m'applique un peu. Un peu de mesure dans les choses. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, sous prétexte que l'appareil est bon, crac, crac, crac, on prend plein de photos. Et du coup, on ne porte peut-être pas un œil aussi attentif et j'ai envie de dire presque un peu artistique, c'est-à-dire qu'on. On réfléchit pas. Avec le numérique, on réfléchit quand même davantage à son cadrage, on va un petit peu chercher la lumière, avec etc. Avec l'argentique, ouais. Avec le numérique, l'appareil veut faire la place de l'utilisateur. Tout le progrès a eu tendance à simplifier la vie de l'utilisateur, mais on l'a tellement simplifié que l'utilisateur... Ouais. Tu vois, c'est sensible ce que tu dis, parce que là, tu parles d'appareil. Moi, j'ai le sentiment que dans l'argentique, c'est le photographe qui fait le job, et dans le numérique, c'est un peu l'appareil qui domine. Ouais, ça peut être ça. Maintenant... on va pas mettre tout le monde dans le même sac. La pratique amateur, grand public, où les gens se reposent beaucoup sur le numérique et laissent faire l'appareil en se disant c'est un iPhone Pro. Il est pro le truc, il fait des photos de pro. Mais non, c'est l'utilisateur qui fait des photos. Et il y a quand même le gros avantage du numérique, c'est qu'on voit ce qu'on fait. Et quand on veut s'appliquer, on a un retour immédiat sur ce qu'on fait. On peut s'améliorer, on peut refaire des photos et là on progresse. Et là, il y a deux types, c'est comme les chasseurs, hein. Il y a le bon chasseur, le mauvais chasseur. Ben là, il y a le bon photographe et le mauvais photographe. Oui. Celui qui va prendre conscience de ce qu'il veut faire et qui a tous les outils à sa disposition pour le faire vite et bien aujourd'hui. Parce qu'il y a quand même un énorme avantage, c'est que on peut se dire aussi le numérique a donné le goût de faire des photos. Oui, exactement. Hein, ça, c'est quand même parce qu'on n'a jamais fait autant de photos. Oui, c'est ça, tout à fait. Et bon, maintenant, voilà, il faut savoir pourquoi on les fait et ce qu'on en fait après. C'est une autre histoire. On en parlera tout à l'heure. Et aussi, oui, je veux dire, il y a quand même aussi, évidemment, tous les photographes pros, même les plus grands noms, travaillent sur du numérique maintenant, j'imagine. Oui, oui, oui. Et ils affirment même ce choix. Moi, j'ai déjà vu des albums avec que des photos de portable. Tout à fait. Il y en a fait, qui assument ça totalement en disant maintenant je suis passé au portable. Ouais, des journalistes aussi qui trouvent que le portable est plus adapté pour leur métier, dans le contexte dans lequel ils travaillent, c'est plus adapté. Et moi, j'avoue qu'en vacances, j'ai mon portable dans la poche et j'ai pas mes outils de travail. Donc tout dépend du contexte de ce qu'on veut faire et comment on veut le faire. Oui, alors moi je vais faire une petite parenthèse personnelle. J'adore prendre des photos volées dans la rue. J'adore faire des portraits des gens. En général, je les fais de dos, mais c'est vrai que j'ai totalement abandonné le réflexe parce que le portable est tellement discret. Ouais. Ça permet aussi de voler des instants. Et on est plus inoffensif, en fait. Oui, et c'est moins intrusif. C'est parfait. On va parler de tout ça, mais on enchaîne avec un autre morceau, Ben Harper. Tu nous expliques pourquoi tu as choisi ce morceau ? Là, dans ta playlist, il y avait une case, une chanson qui vous émeut, et celle-ci me fout les boules carrément. Mais pourquoi ? Mais quand je joue, je joue un peu de guitare et quand je la joue, celle-là, le texte me touche particulièrement. Ouais, vraiment, j'ai du mal à la finir tellement ça parle de l'absence et des gens qui sont plus là et de ce que vit le narrateur quand les gens sont plus là. Et c'est si on se penche sur le texte, c'est très. Eh bien, merci de partager avec nous ce matin, Ben Harper, Amen, Omen. What started as a whisper slowly turned into a scream. Searching for an answer where the question is unseen. I don't know where you came from, and I don't know where you've gone. Old friends become strangers between the darkness and the dawn. Amen, omen, will I see your face again? Amen, omen, can I find the place within to live my life without you? I still hear you saying all of life at a glance, but morceau. Effectivement, ça prend un petit peu aux tripes. Voilà. Ah oui, oui. Sébastien, je voudrais que tu nous redises exactement donc, ce que tu proposes dans, dans ton studio. Quel genre de prestations tu proposes ? Ma grande passion, c'est le portrait avant tout. Donc le portrait de famille, le portrait de particulier, le portrait professionnel, le portrait dans un peu tous ses états. Donc c'est parti de là. Et puis quand j'ai quitté mon premier métier, il fallait que je sache si je pouvais en vivre. Et donc quand on fait ça, quand on crée. Oui, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, ta voix était quand même toute tracée. Eh oui. Est-ce qu'on peut rappeler ce que tu faisais avant de tout lâcher ? Professeur des écoles, donc instit pour ceux qui ont mon âge. Et le mien. C'est ça. Et donc j'ai fait 17 ans d'enseignant dans les écoles primaires. J'ai été sur ces 17 ans, j'ai fait 10 ans de direction à Vitry-de-François sur deux écoles. Et y a un moment où on se dit qu'on n'a plus envie de faire ça, qu'on a envie de passer à autre chose. Donc, j'avais c'est vrai que ça demande du courage quand même de lâcher une vie de fonctionnaire, si je puis dire. Et l'emploi du temps qui va avec, faut le reconnaître. Mais c'est une prise de risque. Oui, en fait, quand on arrive à la quarantaine, il doit se passer un truc chez pas mal de monde. Il y a un petit peu de remise en question. On se dit, est-ce que je veux continuer à faire ça toute ma vie ? D'une part, et d'autre part, est-ce que je risque pas d'arriver à la fin de ma vie en me disant « mais t'as même pas essayé ». Moi, j'ai envie de faire un gros regret. Ouais, c'est ça. Et je voulais pas arriver à la fin en me disant « mais t'aurais peut-être pu, mais t'as pas essayé parce qu'on a qu'un tour de piste, faut pas... » C'est vrai. Mais de là à essayer et de tout lâcher pour essayer d'en vivre, ça demande quand même... Si tu veux, un peu de courage. Et puis du soutien de la part de mon épouse. Et du soutien, bien sûr. Qui a accepté tout ça et qui a dû un peu serrer les dents aussi quand même. Ça m'a quand même bien occupé pendant beaucoup de temps. Et il y a un moment où je n'ai pas gagné grand-chose. Donc voilà, à deux, ça va mieux. Bien sûr. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. C'est là qu'on sent le sens de l'équipe dans le couple. Ouais. C'est important. Ouais, c'est clair. Mais de toute façon, je ne voulais plus continuer. J'en avais marre du système d'éducation nationale. Et ça serait pire aujourd'hui, donc j'ai bien fait. Nous n'en parlerons pas. Aucun regret. Tu avais cette envie. Voilà. Tu as suivi ton envie. Et je me suis dit, au pire, si ça marche pas, du boulot, il y en a plein. Et je sais que je pourrais en trouver parce qu'autour de moi, je vois plein de gens qui recrutent pour ci, pour ça, et je pourrais le faire. Donc l'angoisse de pas avoir de job, c'était pas ça. C'était plutôt de se dire, je le tente, je fais tout pour que ça marche. Et est-ce que je serais bon ? Je savais que j'étais bon. Ouais, ça c'est bien, mais par on contre, adore quand les pas. Gens sont un petit peu. Je savais pas si j'arriverais à gagner. Un petit peu en confiance avec eux-mêmes. Le problème, c'est gagner de l'argent avec ça. Oui. Parce que faire des belles photos, quand on est passionné, c'est comme jouer de la musique, c'est bien. Par contre, arriver à les vendre à un prix décent pour faire vivre une société, une entreprise, là, ça c'est un vrai défi. Donc, je me suis beaucoup formé sur le marketing. Sur plein de choses qui concernent gagner de l'argent avec ça. Il faut savoir se vendre également. Et c'est ça la clé. Ouais. Ok. Alors, on revient. Moi, je vais t'aider à retrouver le fil, tu vas voir. Donc, tu disais que ta vraie passion, c'était les portraits. Oui. Donc, du coup, tu fais des portraits, comme dans tous les studios qu'on connaît, c'est-à-dire du portrait de famille. J'imagine que tu te déplaces aussi sur certains événements familiaux. Oui, je me déplace sur les événements familiaux, les anniversaires, les mariages, évidemment. Mais j'en fais beaucoup moins qu'avant. Je fais une douzaine maximum de mariages par an. Et quand tu fais un mariage, tu restes toute la journée ? Oui. En gros, de midi, 13h, les préparatifs des mariés, donc quand ils s'habillent, je trouve que c'est là qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est là où la tension monte d'un cran. Et puis c'est déjà c'est l'intimité. Je suis un peu un privilégié quand je suis là parce que le marié lui-même ne voit pas les préparatifs de la mariée, absolument. Donc je suis aussi là pour qu'il puisse le voir après. Après. Ouais. Mm-hmm. Et je m'en vais quand, souvent c'est soit avant l'entrée dans la salle de réception, soit au dessert. Et est-ce qu'il y a encore, parce que alors moi Alex, pas du tout au courant de ce genre de choses, est-ce qu'il y a encore cette tradition de la photo posée ? Ou ce sont, toi, ton alors, style, c'est des photos prises à la volée ? Ouais, il reste la tradition des portraits de couple. Mm-hmm. Pour ce qui est des photos posées, mais pour moi, c'est pas très posé. J'explique souvent aux mariés, je leur dis, votre photo portrait de couple, on va la faire à la fin du vin d'honneur, parce que la lumière sera meilleure, vous êtes moins stressé, vous êtes marié, tout le monde est en train de boire un coup, tout le monde va bien, vous avez eu le temps de voir tout le monde. Les gens n'ont presque plus besoin de vous, ils sont au buffet. Ils s'apercevront peut-être même pas que vous êtes parti une demi-heure, trois quarts d'heure, et on part faire des portraits, mais je leur explique que c'est pas une séance photo, c'est un moment pour eux de profiter de leur couple. Ils se retrouvent. Ils se retrouvent à deux, ils vivent un bon moment et moi je fais des photos de ça. Et toi t'es juste là pour capter le moment. Ouais, c'est ça. Alors, c'est sympa cette philosophie. Je les guide un petit peu quand même par moment selon. Parce que moi il me semble bien que dans le temps, dans le temps jadis, je sais même pas si les photos portraits étaient faites le jour du mariage. Tu vois, c'était en studio, habillé et tout. Et encore aujourd'hui, des fois, on fait ça en dehors, selon le timing, c'est possible. Donc là, il y a une déconnexion qui ne te convient pas du tout. Toi, tu aimes l'instant présent. Ouais. Moi, mon truc, c'est le reportage. Et donc, toute la journée, je passe mon temps à photographier ce que les mariés ne voient pas. C'est-à-dire que je suis en reportage et je capte tout ce qui se passe autour d'eux. Il n'y a pas que sur les photos, loin de là. Il y a tous les invités, les mamies qui éclatent de rire, la maman qui pleure. Enfin, c'est tout ça que je cherche, que je suis attentif à capter. Et après, ça se retrouve dans l'album. Et l'album, je leur dis, vous faites un album aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas important, mais dans 20 ans, 30 ans, vous serez content de l'avoir fait parce qu'il restera que ça. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors là, on était sur les portraits. Donc, portrait studio, la photo des 18 ans, plein de choses. Événements familiaux sur le vif. Mmh. Et puis, tu travailles aussi pour les entreprises, je crois. Oui, mais c'est. Qu'est-ce que tu peux offrir aux entreprises ? Qu'est-ce qu'elles te demandent d'ailleurs ? Grosse moitié de mon business, c'est. En fait, les entreprises aujourd'hui ont besoin de communiquer énormément sur les réseaux sociaux, notamment. Et pour ça, il leur faut du contenu. De la photo, je fais aussi un peu de vidéo spécifique aux réseaux sociaux. Une image parle avant, elle parle en premier, c'est-à-dire que si tu cherches, je sais pas quelle entreprise du secteur, si tu veux mettre un portail chez toi ou une porte de garage ou je sais pas quoi, tu vas tomber tout de suite sur des images et ces images. Soit elles sont valorisantes et t'as confiance, elles servent à instaurer la confiance. Mmh. Et donc, soit tu te dis, leurs photos sont pourries, c'est même pas la peine, ils doivent travailler comme leurs photos. On voit le côté professionnel en fait. Ouais, c'est ça. Mmh. Et une entreprise qui apporte du soin à son image, souvent elle apporte du soin un petit peu à tous les détails. Et en tout cas, mon travail, c'est de les aider à valoriser leur travail et à montrer exactement ce qu'ils font de la meilleure manière. Parce que l'utilisateur aujourd'hui, il a 3 secondes d'attention sur une image et soit il clique, soit il passe à la suivante. C'est ce qu'on appelle faire une bonne première impression. Exactement, c'est ça. Et donc ça t'occupe énormément, parce que tout se passe tellement sur les réseaux, l'image est super importante. Et oui, pour le bien ou pour le pire. Mais en tout cas, c'est comme ça. On va pas détricoter le temps. Non. Si il faut vivre avec son temps. Il faut faire ça bien, sinon il vaut mieux rien faire. Une qui fait les choses très très bien, c'est Aretha Franklin. Oui. Tu l'as choisi avec ce morceau, Think. Pourquoi ? Avec une énergie de dingue. Eh bien, il n'y a rien d'autre à dire. On l'écoute tout de suite. On reprend avec Sébastien Chauchot ce matin sur Confidence Musicale, avec un peu de retard, mais une très très grande envie de partager avec vous. Just how I ain't no psychiatrist, ain't no doctor with degrees. aurait pu en passer deux. Hein. On avait aussi envie d'écouter R.E.S.P.C.T. Bon, évidemment, je chante comme une croûte. Mais comment choisir ? On peut pas. Tout est bon. Oui, oui. Hein, voilà. Tout est bon. C'est vrai qu'elle a une pêche de folie. C'est un petit peu ce qu'on a ce matin, même si on a été brisé dans notre élan. Mais allez, c'est reparti de folie. Mmh. Avec Sébastien Chouchou, on va tout savoir sur l'art de faire des portraits. Et comme je l'ai dit dans mon intro, de révéler les gens à leur entourage et à eux-mêmes. C'est un petit peu ça qui te guide. Oui, c'est ça. Je dis souvent que pour faire de belles photos, il faut de bonnes oreilles. Ah, explique-nous ça. La technique est juste un moyen, et les photographes amateurs beaucoup se focalisent sur la technique, sur le matériel, sur les objectifs, sur il faut du matos, t'as du beau matos, tu fais des belles photos, mais en bah fait non, pour avoir du beau matos c'est faire des photos toutes pourries. Ce qu'il faut, c'est quand on fait du portrait, en tout cas quand on photographie des gens, je pense qu'il faut avant tout les écouter, et c'est ça qui va guider la prise de vue. Il faut respecter aussi le rythme des gens. Quand ils arrivent, souvent, ils sont coincés. Ouais, tu veux dire qu'il faut connaître les gens, percevoir leur personnalité avant de les prendre en photo ? Ouais, je pense. Je pense qu'en tout cas, ça simplifie pour moi de les connaître, d'avoir discuté avant de ce qu'ils voulaient, de ce qu'ils n'aiment pas. Peut-être qu'ils se trouvent pas beaux, qu'ils trouvent qu'ils ont un gros nez, des oreilles pas à la même hauteur. Enfin, ça arrive tout le temps. Les gens se focalisent sur les petits défauts qu'ils ont. Et souvent, ils me disent « Non, mais moi, j'ai ça qui va pas. » Et moi, j'avais pas remarqué. Ça va pas être possible. Ouais, ils me disent « J'ai horreur de ça. » Donc, c'est compliqué les premières minutes pour beaucoup de monde parce que... Il y a beaucoup de pudeur. Beaucoup de pudeur, et on nous vend aujourd'hui de l'image qui doit être parfaite, tout doit être parfait, tout le monde doit très être très stéréotypé. Et en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est quand les gens sont pas parfaits. Je fais jamais de shooting, comme on appelle ça, avec des modèles qui viennent poser. Ça m'intéresse pas, parce que c'est des gens qui ont fait 10 séances avec 10 photographes différents. Elles ont des poses, des jeunes toutes filles préparées. Souvent, des poses toujours pareilles, des mêmes, des tenues et tout. Moi, je préfère quelqu'un qui, des fois, ça me prend, ils viennent faire une photo d'identité, et un gars qui arrive, qui a vraiment un style à lui, je dis, hey, je ferai bien votre portrait, vous pouvez venir avec moi. Et hop, je fais une photo sympa. Parce que le mec a un look improbable, torse nu. Où il se dégage une personnalité, un charisme. Exactement, ouais. Et ça me... Tout de suite, enfin, j'ai du mal à m'empêcher des fois, parce que ça se fait pas non plus comme ça. Puis j'ai pas le temps, mais je me dis, mais oh, là, il y a un truc à faire. Mmh. Et le gars n'est pas spécialement beau. Il a juste une gueule. Mmh. Il dégage quelque chose. Ah ouais, ouais. Donc, une vraie personnalité. Ouais. Alors là, c'est la rencontre de l'autre. On se met à l'aise. Tu vois ce que tu vas vouloir faire ressortir, sans doute, de leur personnalité. Oui, c'est ça. C'est ça un peu que tu essaies de capter. Et le but, c'est de les faire rigoler. Hein. Ouais. Voilà. J'allais en venir là, parce que c'est une chose que toi, tu es capté. Par exemple, un défaut que tu vas vouloir mettre en valeur. Et c'en est une autre de mettre suffisamment à l'aise la personne pour qu'elle soit totalement détendue et qu'il y ait un petit peu de lâcher prise. Souvent, j'ai pas d'idée préconçue sur la photo que je vais faire. C'est en faisant que je me dis, ah bah tiens, là comme ça, ça rend bien. Ouais. Par exemple, tu mets de la musique pendant les prises de vue, ça aide ? Ouais, bah les mêmes qu'on a écouté là. Okay. Tout ce qui est rock années 70. Ouais. Ça crée une ambiance détendue. Et des fois, les gens, connaissent pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent pas du tout ça, quand ils arrivent, je leur mets ça, du coup ça fait vivre aussi une expérience. Et alors, est-ce qu'il y a un morceau qui vraiment fonctionne à coup sûr? Ça dépend. Tu me parlais de Michael Jackson tout à l'heure. Ouais. Que tu l'as pas mis dans ta playlist, mais non. Parce que t'aurais pu ne mettre que ça. J'aurais pu faire une playlist de 100 morceaux, sans prendre. Bien sûr. Des fois, je mets des playlists rock années 70-80, et je sais des fois pas ce qui va sortir, mais des fois, je fais des photos de femmes enceintes sur du Guns N' Roses ou du AC/DC. Ça fonctionne très bien. Ça se passe bien. Et des fois, c'est drôle parce que le papa, il me dit oh, trop bien la musique. Du coup, c'est un bon moment pour lui aussi. Ouais, le grand frère, il se met à hocher droite à gauche, il danse, et je dis, tiens, il aime bien AC/DC. Il dit, ouais, on écoute que ça à la maison, mais ça tombe bien. Ok. Eh bien, on va continuer à écouter de la musique. Et puis, après ce morceau, que tu vas d'ailleurs nous présenter, moi, j'aimerais bien qu'on arrive un peu sur l'aspect esthétique, c'est-à-dire ce qui fait ta touche. La touche, Sébastien Chouchou. La touche Chouchou, c'est pas facile à dire. Hein. Enfin, on est en totale maîtrise ce matin, maintenant qu'on a récupéré notre technique. Encore une fois, je vous dis, nous sommes en retard, c'est normal, mais tout va bien, parce qu'avec Sébastien, on va la faire, cette heure. Ah oui. Et on va écouter tout de suite... Born to be Wild. Steppenwolf. Tu nous en parles ? Ah, c'est un morceau que je joue avec mon groupe de rock. On fait ça depuis le début et on adore ce morceau-là. Il respire la bonne humeur. On monte sur la moto, c'est parti, on roule et. Oui. C'est d'ailleurs un morceau qu'on trouve dans le film Easy Rider. C'est ça. Hein, donc, quand même, j'étais pas à côté de la plaque quand je disais que ça sent les grands espaces américains, oui. Tout ça. Ouais. Tu vois, ça doit être ça qui m'est resté en tête. Alors, on écoute Born to be Wild et on se retrouve après pour parler de l'esthétique. Et vous l'avez compris, on va forcément parler musique. On était complètement partis. Hein. Là, on était en moto, les cheveux au vent. Bon, surtout moi, parce que bon, toi, il y a moins de possible. Hein, tout de suite, allez voir sur Facebook tout de suite. D'ailleurs, sur Facebook, vous aurez une surprise, messieurs, dames, parce qu'il a bien fallu s'occuper pendant que notre boss était dans les câbles. Et Sébastien a eu la très, très bonne idée de venir avec son ukulélé. Donc, je vous invite à aller tout de suite voir sur Facebook pour capter ce petit moment. Un peu de désarroi et finalement de chaleur humaine, au final. Hein, c'est vrai qu'au début, on ne savait pas comment le prendre. On va parler d'un truc super dur à dire, la chocho touch. Ok, ça y est, j'ai réussi. Alors, c'est quoi ta touche esthétique? Qu'est-ce qui te différencie des autres? On a compris, il y a le goût du noir et blanc. J'imagine que tu ne fais pas que ça. Mais voilà, esthétiquement, comment on se dit, ça je sais, c'est une photo de Sébastien Chouchou. C'est difficile pour moi de le définir, mais je sais que les gens, enfin mes clients me disent « Non, on a vu la photo, on sait que c'était toi ». Alors, je ne sais pas trop comment. Je sais pas exactement. Parce que déjà, clairement, tu ne fais pas que du noir et blanc. Non. Si je viens et je dis « Moi, je veux un portrait en couleur ». Je te dis « Non, tu sors ». D'accord, ok. Ah, il est commerçant ce gars-là, il n'y a pas de problème. Non, évidemment, je fais ce que les clients ont envie d'avoir, parce que je suis artisan, je ne suis pas que artiste incompris, et je travaille pour mes clients. Donc, il y a des gens qui arrivent avec des... Mais la première proposition que tu fais, c'est du noir et blanc? Non, c'est pas la première. Non, il faut que ça s'y prête. Et des fois, ça match super bien. Des fois, la couleur est mieux. Ouais. Ce qui définit peut-être mon style, c'est que on prend des poses en studio. Donc, évidemment, on se place, tout ça. Et puis, moi, ce que j'attends, c'est ce qui se passe entre les poses. Les moments où les gens rigolent et éclatent de rire et se détendent. Parce que quand on dit « Ah, là, vous êtes bien, je vais prendre ma photo », et bien, les gens sont un peu tendus, un peu... Bien sûr, ça ne marche sont pas sur commande. Moins naturels. Et je vais dire une connerie entre deux qui va les faire rire. Et c'est là où je vais déclencher plusieurs fois en espérant capter la vraie émotion et la vraie connexion entre eux. Parce que c'est ça qui m'intéresse toujours. Ils sont souvent à plusieurs. C'est vraiment le moment où on sent que dans la vraie vie ils sont comme ça. Oui. Et c'est plus difficile de prendre une photo avec plusieurs personnes qu'un portrait. Oui, carrément, je trouve. Parce qu'il faut qu'ils soient bien placés géométriquement, on va dire. Oui, il y a ça aussi. Il y a le cadrage, la position des visages, des mains, du corps, la lumière par rapport au visage, comment la lumière tombe et tout. Tout ça, c'est de la mise en place, c'est de l'éclairage. C'est un vrai travail de mise en scène, on va dire, d'éclairagiste aussi. On n'en parle pas assez souvent de ça, parce que c'est pas l'appareil non plus qui fait tout, c'est le placement des gens. On bien guide sûr, les gens. Bien sûr, bien sûr. On guide les gens, et s'ils sont crispés avec un balai dans le... quelque part. bien, c'est vachement plus compliqué, donc il faut arriver à ce résultat, ou au bout de peut-être 5 minutes. Et pourtant, quand on est seul devant l'objectif, on peut se raccrocher à personne. Quand on est un petit groupe, on peut se dire, bon allez, moi, avec un peu de chance, on va pas trop me voir. Quand on est seul, on est seul. Ouais. On se dévoile quand même. Et souvent, je pense à cette espèce de crainte des peuples primitifs, parce qu'on regardait tout à l'heure dans le livre de Sebastião Salgado, et ils ont peur qu'on vole leur image avec un appareil photo. Oui, qu'on vole leur âme. Qu'on vole leur âme. Et ben, on n'en est pas si loin des fois avec les gens au studio. Ils sont. C'est une mise à nu. Ouais, ils sont craintifs par rapport à ça, puis ils veulent être bien, et qu'est-ce qu'on va faire de ces photos. Et cette image de soi est quand même vachement plus importante que ce qu'on veut bien laisser. Mais oui, parce qu'on sait quand même qu'une photo, ça va rester. Ouais, c'est ça. Donc, on a envie de donner le meilleur profil. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, tu nous as parlé donc de la mise en ambiance, de la mise à l'aise des gens photographiés. Mais pour l'esthétique, est-ce qu'il y a quelque chose qui vraiment te ressemble particulièrement? Des ombres, des jeux d'ombre ou J'aime bien l'éclairage qu'on appelle Rembrandt, c'est-à-dire que ça reproduit un peu les lumières qu'il y a dans les portraits de cette période-là, de Rembrandt et tous les artistes. Un clair-obscur. Clair-obscur, ça c'est ce que je préfère, parce que sans lumière, il n'y a pas de photo, mais sans ombre, ça ne va pas non plus. L'ombre c'est et la lumière se complètent, et c'est cet équilibre-là que j'affectionne. Et c'est toute la magie de la photo. Ouais. L'équilibre entre l'ombre et la lumière. Ouais, c'est ça. C'est à peu près le seul travail que je fais derrière ma photo. Je ne suis pas du tout un fan de Photoshop et de la retouche. Oui, parlons-en des retouches d'ailleurs. J'aime pas passer du temps là-dessus. Autant le labo noir et blanc m'intéressait, parce qu'on joue sur les contrastes et les lumières, les densités. Et c'est exactement ce que je fais aujourd'hui sur mes photos avec Lightroom ou Photoshop. Je m'occupe des lumières, des textures, tout ça. Mais par contre, je n'aime pas du tout retoucher les photos. Je veux que les gens soient comme je les ai vus. Si un bouton sur le nez au milieu du front, je l'enlève évidemment, parce que c'est pas valorisant, puis ça, le bouton va pas rester. Mais je tiens à ce que mon image, elle soit le reflet réaliste, de ce qu'on a vu. Belle mais réaliste. Ouais, et que ce qu'on a vu, c'est les gens vraiment eux-mêmes. Je suis pas du tout dans le courant Instagram avec des tenues extravagantes ou des robes qui volent dans tous les sens. Oui, et puis dans la transformation, dans l'artifice et la transformation de la personne en fait. Il y en a qui font ça très bien, c'est beau. c'est pictural, c'est tout ça, mais moi j'aime bien avoir ce vrai moment capturé en photo, c'est ça qui me plaît. Et je vais juste aller travailler les densités de lumière et tout ça, et les couleurs aussi quand c'est en couleur, pour avoir ce résultat. Et dans ta vie personnelle, est-ce que tu as ce goût aussi de la photo sauvage, volée, à la dérobée, je ne sais comment appeler ça. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimes particulièrement photographier quand tu es en voyage, par exemple? Est-ce que tu es plutôt portrait de rue, archi, paysage La photo de rue, j'aime bien. La photo de vie des gens, en fait. Je prends les gens. Et puis les paysages également. Mais j'aime bien certaines lumières. S'il est 14h ou 16h en plein été et que le soleil donne, je sens même pas l'appareil, quoi. C'est trop blanc. Ouais. Ça écrase. C'est s'il y a un orage ou qu'il a plu avant ou qu'il va pleuvoir juste après, qu'il y a des rayons qui tapent. Ah là, tout de suite, on y va. Comme les escargots. Un ciel noir. Ouais, je suis un escargot de la photo. On a trouvé le truc. Hein. Sébastien Chocho, le nouvel escargot. Très bien. Eh bien, écoute. Est-ce qu'on a un peu... Alors, on ne peut pas avoir tout dit, mais on a fait un petit peu le tour de ta façon de travailler, de ce que tu peux proposer aux gens, donc dans ton studio à Vitry-le-François. Et bien sûr, au fur et à mesure, on a bien compris que la musique tenait une importance, avait une importance considérable pour toi. Ouais. Tu fais de la musique toi-même. On va en parler très vite de ce parcours de musicien. Sinon, comment tu vis, toi, ton rapport à la musique? Tu vas beaucoup en concert? Tu vis en musique en permanence? Moi, j'écoute beaucoup de musique et j'en joue un peu tous les jours. Guitare, tous les instruments, enfin, qui ressemblent à la guitare, basse, ukulélé. On va en parler tout à l'heure. On écoute maintenant Save Tonight de Eagle Eye Cherry. Tu nous en parles? Eh bien, c'est comme un peu celle d'avant, c'est-à-dire que c'est une des chansons qui fait partie de notre répertoire de groupe depuis très longtemps, et c'est avec ça qu'on démarre tous nos concerts, parce que c'est là-dessus qu'on se règle. Elle est pas dure, elle, c'est la mineure do fa sol ou la mineure fa do sol. Très bien, et eh ben c'est parfait, simple. C'est parfait pour notre enchaînement. On écoute ce début de concert avec ce groupe qui s'appelle comment? Harry Cover. Harry Cover, ah, fallait oser. Eh oui, en français. Vous avez osé le faire. Harry C'est Cover. Tellement bon. Ah oui. Harry Cover. Eh bien, donc nous allons parler du groupe Harry Cover. Mais avant, on écoute Save Tonight de Eagle Eye Cherry. Is candlelight, you and me, and passe trop vite, ça passe trop vite. Nous voilà déjà dans ce que j'appelle la phase d'atterrissage de cette émission qui a eu une petite durée exceptionnelle. On s'est dit, puisqu'on a été décalé, allez, on prend notre temps, on se laisse porter parce que tu as tellement à dire. On a adoré comprendre cet univers photographique, cette passion, ce que tu peux proposer aux gens dans ton studio à Vitry-le-François. Et maintenant, on aimerait effectivement que tu nous parles de ce groupe, Harry Cover. C'est mieux avec l'accent, hein? Haricot vert. Ouais. Ah oui, t'as raison, c'est mieux haricot vert en français. Plus jardinier. Ouais, ça fait plus maraîcher même un petit peu. Il fallait un nom et on a trouvé un truc ridicule et on l'a gardé. Mais c'est pas mal, ça marche bien, hein, ça fait très frais. C'est plein de vitamines. Manger 5 fruits et légumes par jour. Surtout, c'est important qu'on passe des bons messages. Alors moi je veux tout savoir, c'est né comment? Déjà tu as toujours joué de la musique ou c'est comme la photo, c'est venu un peu tard? Comme la photo, j'ai commencé au collège avec un petit orgue Bon Tant Pis qui avait une soufflerie dedans, je sais pas si t'as connu ça à l'époque, j'ai eu ça à Noël. Oui, je vois bien, oui. Je faisais des mélodies et tout, puis j'ai toujours pianoté un petit peu comme ça et voilà. Mais au lycée, moi j'ai grandi à la ferme, je connaissais pas grand chose à la musique, je sortais pas beaucoup, etc. Donc j'allais pas voir de concert. Mais au lycée, j'ai pris une grosse claque en discutant avec tous mes copains lycéens. On se refilait des cassettes et j'ai découvert le hard rock, AC/DC, Iron Maiden, Metallica. Oui, tu m'as expliqué, hein, t'es passé directement de Champs-Élysées à. De Radio Nostalgie à Iron Maiden. Et, le choc. Le choc, je savais pas qu'on pouvait faire ça avec des guitares en fait. Thunderstruck d'AC/DC. Et j'ai dit, il faut que je fasse ça, il faut que j'achète une guitare. Donc ça m'a habité pendant quelques années et j'ai acheté une guitare à mes 20 ans. C'était mon anniversaire, je me suis payé une guitare, mes parents m'ont dit que je vais faire avec ça. J'ai dit, je vais jouer. Vous verrez bien, vous allez surtout l'entendre. Et la guitare, ça fait moins mal que le violon hein, quand on débute. Ouais, c'est ça. Mais à l'époque, ça faisait mal quand même parce qu'il n'y avait pas Internet hein, quand j'ai commencé. Donc c'est pour ça, messieurs, dames, que je parlais d'une énorme détermination. Juste après les dinosaures, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, pas d'Internet. On achetait des songbooks avec les partitions. Ouais. Enfin, c'était pas les partitions, c'était des tablatures. Il y avait des chiffres et ça représentait les cases et on apprenait ça à l'oreille. Et on faisait. C'était pas très. Vaille que vaille. C'est ça. Mais. Après, ça a duré comme ça. Puis un jour, quand j'étais directeur sur Vitry-le-François, j'en parle et j'ai un collègue qui me dit « Ah, j'ai un copain qui est batteur, si tu veux, je te mets en... » Et hop, on a créé notre groupe comme ça. On était guitariste, basse, chant, basse, guitare. Et ça marche. Et batterie, bien sûr. Et on s'est fait plaisir, on se voyait toutes les semaines, on répétait. Puis on a commencé ce premier groupe-là, ça a duré 10 ans. Et alors c'était quoi votre répertoire? C'était des compos ou c'était des covers? Ouais, c'était des covers, des reprises. Comme dit Harry. Exactement. Et c'est quoi vos covers de prédilection? Aujourd'hui? Ça a changé avec le temps? Ah, c'est resté un peu similaire. C'est rock, classique rock, on va dire. Classique rock, années 70-80. Ça va de AC/DC, Beatles, Rolling Stones, jusque... des trucs un peu plus modernes aussi. On fait les Red Hot aujourd'hui. On a un vaste panel et on a joué dans des bars. Vous savez, vous pourriez venir un dimanche après-midi hein, sur antenne dimanche, passer tout l'après-midi avec nous et il y a du petit live possible, envisageable. On va en reparler. Qu'on en parle. On va en parler hors antenne. Et donc, vous arrivez à vous produire à quelle fréquence? On vous trouve où? Alors aujourd'hui, on n'a pas tant de dates que ça. Notre ambition, c'est vraiment pas c'est de se faire plaisir. Ouais, c'est de se faire plaisir avant tout et de faire plaisir aux gens qui viennent nous voir. Donc j'ai compris qu'on se faisait plaisir en famille, hein, chez les chochos. Ouais, il y a mon fils Thomas dans le groupe. Ah, c'est cool ça. Ouais. Et mon deuxième fils Thibaut, lui, il est dans la vidéo. Donc des fois, il vient travailler avec moi sur des mariages. Il fait la vidéo de mariage pendant que je fais les photos. Et ça, c'est vraiment cool de partager. C'est vraiment chouette. Hein. Voilà. La musique, c'est un plaisir partagé avant tout avec les copains qui on joue et puis avec les gens qui sont en face et qui viennent nous écouter. Et qui apprécient. On va reparler de tout ça. Moi, j'ai l'impression. This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com. Il s'appelle Thierry, Laurent, Thomas et Jocelyn. Et moi, on est 5. Eh bien, c'est parfait. Sébastien, est venue l'heure de se quitter. On a cru qu'on allait passer tout le samedi ensemble, mais non, ça n'est pas possible, nous avons nos vies. Donc moi, je te remercie beaucoup de ta patience, de ta bonne humeur, de tout ce que tu nous as donné et de cette merveilleuse playlist qui te ressemble bien parce que j'y ai senti comme un grand souffle de liberté. Et maintenant, je te laisse la parole pour lancer la dédicace que tu as choisie. Donc c'est la chanson de Jean-Jacques Goldman, hein, c'est ça ? Absolument. Ouais, donc c'est la chanson qu'on a choisie pour notre mariage avec ma femme et on ira. Je vous laisse réécouter les paroles. Je pense qu'elles valent la peine qu'on les écoute et qu'on les intègre et on y va quoi. On y va, c'est parti. Merci beaucoup Sébastien. Merci à toi Alex, merci beaucoup. Un jour on partira.